بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ونبدأ اليوم في سورة الطارق. On commence aujourd'hui la sourate appelée sourate الطارق وهي سورة مكية. Et c'est une sourate qui a été révélée durant la période mécoise. Donc la période durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam résidait à la Mecque. Et on a déjà dit donc que la majeure partie des sourates qui ont été révélées durant cette période concernent les bases, les fondements de la religion musulmane. Car c'était donc les tout débuts. Allah tabaraka wa ta'ala enseignait, montrait aux croyants les fondements de cette religion. Walakin qabla shurur fi tafsir hadhihi surah ahbabtu an ubdi lakum al-farah was-surur alladhi ash'uru bihi bi isti'naf hadhihi ad-durus وخاصة التفسير والتأمل في كتاب ربنا وخالقنا. Mais avant de commencer donc dans l'exégèse de cette sourate, je voudrais vous faire part de cette joie que je ressens par la cause du fait qu'on reprend les cours, particulièrement ces cours de tafsir, les cours sur l'exégèse du Coran, afin que l'on puisse méditer tous ensemble sur la parole de notre Seigneur, de notre Créateur. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab » Un livre que nous avons fait descendre sur toi, béni. Un livre que nous avons fait descendre sur toi en toute bénédiction, afin qu'il puisse y méditer. Afin qu'il puisse y méditer. Et afin que les doués de raison s'en rappellent, fassent le rappel. فَهَذَا الْكِتَابُ مُبَارَكٌ أَيْ أَنَّ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَعِلْمٌ عَظِيمٌ. Ce livre est béni, le livre d'Allah. Il est béni et donc cela signifie qu'il a beaucoup de bien, il contient beaucoup de bien, beaucoup de science. فيه شفاء الشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية. Il y a dans ce livre la guérison contre les maladies au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire les maladies corporelles et les maladies spirituelles, les maladies du cœur. وفيه الهداية. Il y a dans ce livre la guidée pour toute personne qui recherche la guidée. فهو كتاب مبارك بين الله تعالى أن السبب في إنزاله ليتأمل فيه الناس. Allah Ta'ala il a montré que la cause de la révélation et la cause pour laquelle il a fait descendre ce livre, c'est pour que les gens y méditent. لم ينزل هذا الكتاب إلينا لنجعله مغلقا مُغْلَقًا فِي الْبُيُوتِ لِلزِّينَ. Ce livre n'a pas été descendu vers nous afin que nous le laissions fermé dans les maisons comme objet de décoration. Mais Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé pour qu'on puisse le lire et y méditer. وَفِيهِ أَنَّ التَّدَبُّرَ فِي آيَاتِ اللَّهِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ. Il y a dans ce verset le fait que la méditation sur les paroles d'Allah, sur les versets d'Allah, fait partie des meilleures œuvres que l'on peut accomplir. Le fait de méditer sur la parole d'Allah. فَاللَّهُ تَعَالَى يَحُثُّنَا عَلَى التَّأَمُّلِ وَالتَّفَكُّرِ فِي هَذَا الْكِتَابِ. Et donc Allah, il nous incite à méditer et à réfléchir quant à ce que contient ce livre. لهذا نفرح أشد الفرح لكوننا نقوم بهذا الواجب. Voilà pourquoi Nous avons une joie profonde par le fait que nous accomplissons cette obligation, le fait de méditer sur les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah ta'ala, il dit dans cette sourate, sourate At-Tariq, après Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, il dit Was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ath-thaqib, in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Par le ciel et par At-Tariq. At-Tariq, certains ont traduit par l'astre nocturne. Et donc par le ciel et l'astre nocturne. On verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Et qu'est-ce qui t'enseigne? Qui t'enseignera? Qui te montrera qu'est-ce que At-Tariq? Qu'est-ce que l'astre nocturne? An-Najmu Thaqib. L'étoile d'une lumière éclatante. فأقسم الله تعالى بالسماء وقد مر بنا في الصور السابقة أن الله يقسم بما شاء من عباده وأنه قد أقسم بالسماء. Nous avons vu durant les sourates précédentes que Allah Ta'ala, il jure par ce qu'il veut parmi ses serviteurs, parmi ses créatures, et qu'il a juré par le ciel. وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْمَخْلُوقَاتِ. Le ciel qui fait partie des créatures les plus grandioses. يَنْظُرُ إِلَيْهِ النَّاظِرِ يَتَأَمَّلْ فِي مَحَاسِنِهَا. La personne qui regarde vers le ciel médite vers cette beauté qu'il voit. Cette beauté qu'il voit dans le ciel. أَلَيْسَ هَذَا الْمَخْلُوقُ دَلِيلًا عَلَى قُدْرَةِ خَالِقِهِ. Cette créature n'est-elle pas une preuve montrant la puissance de son créateur? Lorsque tu vois le ciel et ses différentes couleurs qui changent durant la journée, tous les jours tu le vois. Alors médite sur ce Seigneur, sur ton Seigneur qui a créé ce ciel. وَرَأَيْنَا كَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يُقْسِمُ بِعِبَادِهِ لَكِنَّنَا لَيْسَ لَنَا إِلَّا أَنْ نَحْلِفَ بِاللَّهِ فَقَطْ. Nous avons vu que Allah, il peut jurer par, il jure par qui il veut parmi ses créatures. Mais nous ne pouvons jurer que par Allah. Nous ne pouvons jurer que par Allah. وَقَدْ تَعْرِفُونَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ حَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكْ. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Vous connaissez tous la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a dit: celui qui jure par autre que Allah, il a certes mécru ou accompli du polythéisme. Et aussi la parole d'Allah Ta'ala, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit: celui qui doit jurer alors qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Et donc, فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَحْلِفْ بِحَيَاتِ الْأُمْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ. Et donc, nous ne pouvons pas jurer par la vie de la mère ou autre parmi les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous jurons par Allah seul. Ensuite, Allah, il jure donc par At-Tariq. At-Tariq, comme je dis, certains ont traduit par l'astre nocturne. Qalatil ulama, At-Tariq huwa ma ya'tika laylan. Les savants, ils ont dit qu'en arabe, At-Tariq, c'est ce qui vient à toi durant la nuit. Ce qui vient à toi durant la nuit. Lidhalika ja'a fi hadith Jabir fi sahihayn. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. Et c'est pour cela qu'il a été cité dans le hadith de Jabir dans Sahihain, le recueil d'Al-Bukhari et de Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de venir à sa famille, d'aller voir, de rentrer chez lui le soir, leilan, Et il a utilisé le terme yatruq. D'où le mot qu'on a vu tout à l'heure, tariq. Et donc, c'est le fait, tariq, c'est tout ce qui vient à toi la nuit. Taïb, quelle est la sagesse? Ma hiya al-hikma fi nahyi an dhalik? Quelle est la sagesse dans le fait que l'homme ne peut pas, il lui a été interdit de rentrer chez lui comme ça la nuit? كما ذكر في القرآن هناك ثلاث عورات من بين العورات من وراء صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة الظهر أو صلاة العشاء ربما يكون الإنسان نائما ربما ونتقرب هو قريب الإنسان من ربما يكون الإنسان نائما من لا زوجته ربما زوجته في حالة لا تعجبه هو فينفر منها فينبه قبل أن يدخل في بيته فتتزين وتتحسن هذه المرأة ننظر إلى هذه الحكمة العظيمة وإلى جمال هذا الدين. Et donc la sagesse en cela, l'homme ne rentre pas chez lui comme ça le soir sans prévenir. C'est pour qu'il ne voit pas sa femme dans une situation qui le déplaise. Elle ne s'attendait pas à sa présence, elle ne s'est pas préparée pour lui. Voilà pourquoi l'homme qui veut rentrer chez lui le soir comme ça, il prévient sa femme avant de rentrer à la maison, afin qu'elle se prépare, elle se fasse belle pour lui, pas qu'il la voie dans une situation déplaisante, et ensuite il s'éloigne d'elle. Regardez donc la beauté de cette religion et la sagesse dans cet acte. Voilà la signification de tariq. Mais qu'est-ce qui est voulu ici par tariq ici? Un asque nocturne. Qu'est-ce qui est voulu ici dans ce verset? Bayyanahu Allah ta'ala ba'da dhalik. Allah il nous montre par la suite ce qu'il veut par là. Lorsqu'il nous dit an-najmu faqib. L'étoile étincelante. Une étoile d'une vive lumière. C'est ce qui est voulu ici par At-Tariq. Allah tabaraka wa ta'ala yuqsimu bin nujum. Allah qui jure par les étoiles. Wa qad ra'ayna sabiqan anna Allah ta'ala ja'ala hadhihi an-nujum fi as-sama' li umurin thalatha. On a vu précédemment que Allah ta'ala, il a placé les étoiles dans le ciel pour trois raisons. Lesquelles? Liz-zina, rujum lish-shayatin, lir-rajm, rajm shayatin. Et donc Allah Ta'ala, il a placé les étoiles dans le ciel pour embellir le ciel. Lorsque tu vois ce ciel avec ses étoiles et que tu médites sur cette création, pour embellir le ciel. Et aussi, il a placé les étoiles comme projectiles pour être lancés sur les diables. Ce que l'on voit et qu'on appelle dans la langue française les étoiles filantes. Les étoiles filantes. Ces étoiles qui sont des projectiles donc qui sont envoyés sur les diables. Et aussi les étoiles qui permettent aux hommes de se guider. Avant, lorsqu'on n'avait pas les GPS ou autres, les gens utilisaient les étoiles dans le ciel pour se guider sur la terre. Ensuite, Allah le Très-Haut, il dit « In kullu nafsin lamma alayha hafid » Aïe, ce qui est voulu par là, donc dans la langue arabe, « Ma kullu nafsin illa alayha hafid » Chaque âme, chaque personne a avec elle un ange « hafid ». Ce qui est voulu par « hafid » ici, c'est un ange qui va tout enregistrer. Un ange qui va tout préserver, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Fal insan sayajidu kullama amila wa kullama qala yawm al-qiyamah. Et donc l'individu va trouver tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit au jour de la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Ma yalfidhu min qawlin illa ladihi raqibun atid » Il ne prononce aucune parole sans qu'il ait auprès de lui un surveillant qui est prêt à écrire. Un surveillant qui est prêt à écrire, un ange qui te surveille et qui est prêt à écrire tout ce que tu prononces. Tout ce que tu prononces. Allah Ta'ala, qui dit dans son livre, Ikra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alika hasiba. Lis ton livre, tout ce qui a été écrit te concernant. Aujourd'hui, tu es toi-même, tu suffis à toi-même pour faire les comptes. Tu te suffis à toi-même pour compter tes œuvres. Aujourd'hui, toutes tes œuvres sont citées devant toi, regarde-les. Et donc, tout ce que tu fais, tu le trouveras yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لِلْأَسَفِ الشَّدِيدِ غَافِلُونَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ. Beaucoup de personnes sont distraits concernant ce sujet. Pour la moindre chose, ils vont s'énerver. On insulte, on fait, et hèche, on casse. Le moindre conflit avec son frère, on casse, on frappe. On envoie des gens pour menacer. Tu seras jugé le jour de la résurrection concernant tout ça. Tout ce que tu fais, tu seras jugé. L'injustice envers les enfants, envers les parents, on sera jugé. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous cite pas cela afin que on entende la parole d'Allah et ensuite ça s'arrête là. Non, c'est pour que tu puisses toi-même te corriger, t'améliorer. Tu en as besoin. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit « فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ » Alors que l'être humain regarde, médite à partir de quoi il a été créé. Allahu Akbar. Que l'être humain médite à partir de quoi il a été créé. « أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنسَانُ أَنْ يَتَأَمَّلَ فِي أَصْلِهِ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ وَأَنَّهُ ضَعِيفٌ » Allah Ta'ala, il a ordonné à l'être humain de méditer sur sa base, sa nature, afin qu'il puisse comprendre qu'il est faible, qu'il a été créé. D'où viens-tu? À partir de quoi as-tu été créé? Wa in kana al-insanu makhluqan wajaba alayhi an ya'lam. مَاذَا يُرِيدُ مِنْهُ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ لِمَاذَا خَلَقَهُ. Et si l'être humain comprend qu'il a été créé, alors il lui est obligatoire de savoir qu'est-ce que son Seigneur, qu'est-ce que son Créateur veut de lui. Pourquoi ton Créateur t'a créé? Pourquoi est-ce que tu es présent ici sur terre? Est-ce que c'est pour manger, boire du thé le soir, se prendre un petit gâteau, un chéri, tu vas dormir, tu te réveilles le lendemain? Est-ce que c'est pour ça que tu as été créé? Pour aller gagner de l'argent et revenir à la maison, enrichir le compte en banque, acheter des grosses voitures, des grandes villas? Est-ce que c'est pour ça que tu as été créé? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Moi seul. Illa liya'budun. Voilà pourquoi tu as été créé, pour adorer ton Seigneur. Et donc, il est obligatoire qu'on médite sur cela. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité à partir de quoi l'être humain a été créé. Alors, il a dit tabaraka wa ta'ala, khuliqa min ma'in dafiq. Il a été créé à partir d'un liquide jaillissant. Un liquide qui jaillit. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ, qui sort d'entre l'épine dorsale et التَّرَائِبِ, les savants nous disent donc que ce sont des os qui sont au niveau du torse, au niveau de la poitrine. Les savants, ils ont divergé, est-ce que ce qui est voulu par là, c'est la femme ou l'homme? L'homme. Il y en a beaucoup qui disent que c'est la femme. Il y en a beaucoup qui disent Es-Sulb. Donc, la base de ce liquide, la base de la création de ce liquide, vient de l'épine dorsale de l'homme et qui vient aussi donc de la femme, cette partie qui se trouve au niveau de la poitrine. Beaucoup de savants disent cela. Et il y en a aussi qui disent, non, ce qui est voulu par là, c'est l'homme. C'est que, donc ce liquide, on parle du liquide spermatique qui sort de l'homme. La base de ce liquide, il vient donc de l'épine dorsale de l'homme et aussi, donc, cette partie qui est au niveau de ça, de son torse à l'homme. Pourquoi ? Parce que Allah, il a décrit ce liquide comme étant dafiq, un liquide qui jaillit. Et ça, ce liquide, il vient de l'homme. Le liquide qui jaillit, il vient donc de l'homme. Wa wasafa Allah ta'ala hadha al-ma fi suratin ukhra bi annahu mahin. Et Allah ta'ala, il a aussi décrit ce liquide comme étant vil. Quelque chose de vil qui n'a pas une grande importance. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Est-ce que nous ne vous avons pas créé d'un liquide vil? فالإنسان مخلوق من هذا الماء المهين. Et donc l'être humain, il a été créé à partir de ce liquide vil. فهو ضعيف وأصله من هذا الماء اللين. لكن العجب أن الإنسان بعدما كبر وصار رجلا ترى كثيرا منهم يتكبرون. يتكبرون على ربهم بعدما كانوا في هذه الحالة. Et donc, l'être humain, il a été créé à partir de ce liquide vil, ce liquide qui est en réalité doux. Ce n'est pas un solide. L'être humain n'a pas été créé à partir du fer. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'être humain, lorsqu'il grandit, tu vas voir beaucoup d'entre eux s'en prendre d'orgueil, se croire fort. Ils pensent qu'ils peuvent se passer de leur Seigneur. Ils se suffisent de leur Seigneur. Ils n'ont pas besoin de lui. Alors qu'ils étaient auparavant dans cette situation aussi vile, aussi faible. L'être humain qui sort du ventre de sa mère, il ne connaît rien, ne sait rien faire. Ne contrôle même pas son urine. Et ensuite, lorsqu'il grandit, il devient orgueilleux. Pense qu'il est fort. Pense qu'il peut tout faire. Ensuite, Allah Ta'ala qui nous dit إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ. Il est certes capable de le faire, de le ramener. Il est certes capable de le ramener. تَأَمَّلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ وَانْتَبِحْ فَإِنَّ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانِ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ. Médite, ô serviteur d'Allah, et fais attention. Car celui qui a créé l'être humain dès la première fois, il est capable de le ramener à la vie. Allah Ta'ala, il veut nous faire méditer concernant la résurrection. Ceux qui rejettent la résurrection, fait yubayyinu lana amran narahu wa nushahiduhu. Allah, il nous montre un sujet que l'on voit tous les jours. Nous voyons des enfants naître, nous voyons des gens qui sont nés. Et donc, tu vois que ces gens ont été créés, ils sont venus à partir de ce liquide faible. Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a créé ces gens, est capable de les ramener à la vie par la suite. Bel huwa ahwan. Encore plus, c'est plus facile. C'est plus facile de ramener à la vie que de créer la première fois. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ. Le jour où la terre se fendra pour les laisser sortir rapidement. Ceci est un rassemblement qui nous est facile. Lorsque Allah va rassembler toutes les créatures, ceci est un rassemblement qui nous est facile. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً. Dit celui qui les a créés la première fois, les ramènera. Celui qui les a créés, ces eaux qui vont périr sous la terre, celui qui les a créés la première fois, il va les ramener. C'est lui qui les a créés la première fois. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. C'est lui qui commence la première création. C'est lui qui commence la première création. Puis, il la fait revenir. Et celle-ci est plus facile. Ahwen. Il y a moins de difficultés et il n'y a aucune difficulté pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut. فالناس يشاهدون كونهم مخلوقين من المني فيتأملون في ذلك. Et donc les gens, ils voient tous le fait qu'ils sont créés à partir de ce liquide spermatique et vont méditer sur cela, sur le fait que Allah tabaraka wa ta'ala peut les ramener, les ressusciter. Allah nous amène à méditer sur cette résurrection. Et c'est pour cela que Allah, il dit après cela, il nous dit Yaoumatoub la sarair. Ça veut dire quoi ça? Yaoumatoub la sarair. Toubtala al-kouloub, al-afida. Le jour durant lequel les cœurs seront éprouvés. Yaoum al-qiyama. Wahada amrun azim. Et ceci est un sujet, les frères, très important. Yukhbiru ta'ala anna yawm al-qiyama tukhtabaru al-qulub. Fal-insan qad yukhfi lin-nasi ma fi qalbihi fi ad-dunya. Allah ta'ala, il nous informe que les cœurs seront éprouvés au jour de la résurrection. L'être humain, il peut cacher aux gens ce qu'il y a dans son cœur. Tu peux cacher aux gens ce qu'il y a dans ton cœur. Lakin Allah alimun bi dhati as-sudur. Cependant, Allah, il est parfaitement connaisseur de ce qu'il y a dans les poitrines. Il est parfaitement connaisseur de ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Tu peux cacher aux gens qui sont autour de toi ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu penses. Mais au jour du jugement, les cœurs seront éprouvés. Les cœurs seront éprouvés. Et cela nous appelle, les frères, à corriger, à guérir, à soigner nos cœurs. Ne te trompe pas par les œuvres que tu fais. Beaucoup peuvent être trompés. Alhamdulillah, je fais la prière, j'étudie, et. Tout ça, ce sont les œuvres de tes membres. Mais n'oublie pas ton cœur, le fait de purifier ton cœur. Purifie ton cœur du polythéisme. Purifie ton cœur des innovations dans la religion d'Allah. Purifie ton cœur des péchés. C'est important de ne pas oublier ce point essentiel. La base, c'est le cœur. Au jour du jugement, les cœurs seront éprouvés. Et à ce moment-là, que se passera-t-il? Allah, il nous dit فَمَلَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَصِرٍ. Alors, il n'aura pas de force ni de secoureur. L'être humain, à ce moment-là, il n'aura pas de force. La kuwata lahu fi nafsihi yudafi anha. Il n'aura pas de force en lui-même pour pouvoir se défendre. Pas de force. Walaysa lahu nasir. Il n'y aura personne pour le secourir. Fala taghtar bi kuwatik. La taghtar bi kuwatik wa anta shab. Ne te trompe pas donc par ta force, la force que tu as. Tu es jeune, tu as de la force, tu peux soulever des poids, mashallah, tu cours longtemps, hein, tu sautes haut, tu as de la force. Ne te trompe pas par cette force que tu as. Ce jour-là, tu n'auras aucune force pour te défendre. Wa la taghtar bi ashabik wa a'wanik wa ansarik. Et ne te trompe pas par tes compagnons, ceux qui sont autour de toi. Par ceux qui te secourent, ceux qui t'aident. Ne te trompe pas par ces gens. Personne ne va te secourir, Yawm al-Qiyam, le jour de la résurrection. Personne. Tes copains qui sont autour de toi, qui t'accompagnent dans les bêtises que tu fais. Personne ne va te secourir, Yawm al-Qiyam. Personne. Personne ne va te préserver contre le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fais donc attention à ta propre personne. Ne fais pas attention si même tes propres parents t'appellent à désobéir à Allah. Sache que tes propres parents, au jour de la résurrection, ne pourront pas te protéger contre le châtiment d'Allah. Tes propres parents, ton frère, personne. tu seras seul. Et cela nous rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Et donc, qui va protéger les incroyants d'un châtiment terrible, d'un châtiment douloureux? Qui va les protéger? Non. Et donc, en ce jour-là, les frères, on sera tous, chacun, occupé par sa propre personne. Ne te trompe donc pas par ta force que tu as parce que tu n'en auras pas. Et ne te trompe pas non plus par les gens qui sont autour de toi. Parce que personne ne va te secourir. On va continuer, inshallah ta'ala, l'exégèse de cette sourate. On va finir la semaine prochaine. Bi'idhnillahi ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder une science profitable. La science profitable, c'est celle avec laquelle on œuvre. Celle avec laquelle on œuvre, c'est celle-là qui est profitable. On peut s'asseoir, écouter les cours, mais si au final, on n'arrive pas à corriger nos fautes, on n'arrive pas à corriger nos péchés, nous ne profitons pas. Voilà pourquoi nous devons nous conseiller mutuellement. Tu vois ton frère qui fait une bêtise? Dis-lui. Tu vois ton époux, ton épouse qui font des bêtises? Dis-leur. Nous avons besoin de nous corriger mutuellement afin de nous préparer pour ce jour difficile. Car chacun d'entre nous veut le bien pour son frère. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا.